بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 99 99e leçon. في السؤال 88 بعد 700 788e question. ما هو عمود الإسلام؟ Quelle est la colonne de l'Islam? عمود, c'est un peu comme la colonne vertébrale, le pilier vecteur, en quelque sorte. C'est As-Salah. C'est la Salat, qui est d'ailleurs le deuxième pied de l'islam. Comme dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Al-Ukhbiruka bi ras al-amr wa amoudihi wa zuruwati sanamihim. » Fakultu bala ya Rasulullah, quand le Rasul amr al-islam, « Wa amouduhu al-salah wa zirwa sanamihi al-jihad. » Rawahu Ahmed. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne vais pas t'informer de, on va dire, la tête de l'affaire, ainsi que sa colonne, et ainsi que son sommet. Il a dit, si au messager d'Allah, il a dit, la tête de l'affaire, c'est l'islam. Sa colonne, c'est la salat. Et son sommet, son summum, c'est le djihad. Summa qala fi su'al al-wa ta'asir wa thamani par 789e question. Ma hukmun tark salat. Quel est le jugement du délaissement de la salat, c'est-à-dire volontairement, d'accord, sans excuse. Et le jugement, c'est tout simplement que cela est du kufr, de la mécréance, et akbar, majeur. Il y a un sujet à divergence entre les ulama, mais l'avis le plus fort, dont les adilés sont plus évidents, c'est que cela est de la mécréance majeure. Et parmi les adilés, il cita le hadith de Jabir ibn Abdillah, يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم qu'il y a entre le rajoul, qu'il y a entre l'homme et l'association et la mécréance, le délaissement de la salat, c'est-à-dire celui qui délaisse la salat, il tombe dans le shirk et dans le kufr. ثم قال في السؤال 90 بعد 700 790e question. متى فرض الله على نبيه الصلاة. Quand est-ce que Allah Azzawajal a imposé à son messager, justement, la salat, on va dire les 5 salats quotidiennes. Cela a eu lieu lors de la nuit de l'ascension. Laylat al-Isra. Ou plutôt, la nuit du voyage nocturne. Comme dans le hadith, lorsqu'il est monté au 7e ciel, qala. فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد فإذا عهد إليك ربك ماذا عهد عليك ربك قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك. Donc il a dit lorsqu'il est monté justement aux cieux, que Allah Azzawajal, après qu'il ait vu les NBA dans chacun un ciel différent, que Allah Azzawajal lui a prescrit de faire à la base les 50 salats. Donc après il est redescendu, et à chaque fois qu'il passait près de Moussa, Moussa lui disait que ta communauté ne pourra pas supporter cela, remonte à ton Seigneur et demande-lui qu'il réduise le nombre. Et cela jusqu'à ce que le salat soit arrivé au nombre de 5. D'accord. Mais chacune, elles en valent 10. Wakada. ثم قال في السؤال 91 بعد 700 791 question. كم عدد الصلوات المفروضة؟ Quel est le nombre des salats qui sont elles quotidiennement prescrites, les obligatoires quotidiennes, les 5, qui sont celles qui sont le pied de l'islam, le deuxième. Elles sont de 5. D'accord ? Elles sont de 5, de jour et de nuit. Et le dernier, c'est le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lama ba'atha mu'adhan ila al-Yaman, wa fihi, fa'akhbiruhum anna Allah farada alayhim 5 salawat fil yomihim wa laylatihim. Il a dit, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, en tant que prédicateur, vers les gens du livre, il lui a dit, dis-leur, informe-leur que Allah, c'est-à-dire s'ils acceptent la shahada, après par la suite, informe-leur que Allah leur a imposé 5 salawat dans leur jour et dans leur nuit, de jour et de nuit. Le hadith n'est muttafaqun alayh. Et ce hadith-là, justement, est en soi parmi les preuves les plus claires pour pouvoir réfuter la secte des Coraniyin, ce qu'ils appellent les Coranistes, ceux qui disent qu'ils ne prennent pas de la sunna. Il n'y a pas de ayat, de verset dans le Coran qui dit qu'on a 5 salawat à faire par jour. Donc ils ne sauront comment vous le démontrer, avec une preuve claire. Ils seront obligés de philosopher ou faire du, comme on dit, du montage entre les versets. Mais si tu le dis, donne-moi une preuve claire que j'ai 5 salawat à faire, car ils les font. Ils font leurs 5 salawat. Tu lui dis au moins une preuve claire dans le Coran que Allah a dit que j'ai 5 salawat à faire par jour et que c'est le deuxième pied de l'islam, il ne pourra rien t'apporter. Zalik, quand Allah fit soual et sani wa tisani bar sab'amiyya, 792e question. Othkur adad raka'at kulle salah. Il a dit cite le nombre de raka'at, c'est-à-dire ce qu'ils appellent unité de prière en français, de chaque salat. Donc le fajr, c'est 2. Al-Zor, c'est 4. Al-Asr, c'est 4. El Maghreb, c'est 3. El Isha, c'est 4. Et le dalil, c'est le hadith de Aisha, radhiyallahu anha, zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annaha qalat, furidat as-salatu rak'atayn rak'atayn fi al-hadar was-safar. Fa uqirrat salatu as-safar wa zida fi salat al-hadar. Qu'elle a dit qu'au début, les salawat ont été imposés comme étant de 2 rak'at. 2 par 2. Que ce soit en voyage ou en tant que résident. Puis, par la suite, elles sont restées au nombre de 2 pour le voyageur et elles ont été rajoutées pour le résident. Et bien évidemment, ça a été rajouté à part le Maghreb. Le Maghreb, elle-même pour le voyageur, elle reste de 3. À unanimité. On ne la réduit pas. ثم قال في سؤال الثالث والتسعين بعد سبعمية سبعة وثمانين treizième question ما حكم من صلى الصلاة في غير وقتها؟ Quel est le jugement de celui qui fait la salat hors de son temps, c'est-à-dire soit qu'il l'a fait avant son temps ou soit qu'il la sort de son temps, et cela sans excuse, en dehors du voyageur par exemple, ou du malade, ou selon un avis en temps de pluie, réalisé à l'écart. Donc on dit sa salat elle est invalide, elle est baatila, car le temps est parmi les conditions de cette salat. Parmi les conditions de la salat, c'est qu'elle soit faite en son temps. وقال في السؤال الرابع والتسعين بعد سبعمية 794e question. ما الدليل على أن كل صلاة تصلى في وقتها؟ Maintenant, c'est quoi la preuve justement de ce temps-là? Que chaque salat doit être faite en son temps. قال وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مكوتا. Que Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit que chaque salat, la salat est certes sur le croyant à un moment prescrit, à un temps prescrit. Surat An-Nisa, les femmes, verset 103. Et ça également, c'est un guise de rappel de ceux qui, pour le travail, soi-disant, croient qu'il est permis pour eux de rejoindre la salawat à la fin de la journée, par peur, car ils ne peuvent pas les accomplir pendant leurs heures de travail. On dit, si ton travail ne te permet pas de pouvoir faire tes salawat à l'heure, alors ce travail-là devient illicite. Car il ne t'est pas permis de délaisser les obligations d'Allah Azza wa Jal pour cette dunya, pour les choses qui ne sont pas, elles, obligatoires à la base. Comme encore le Ta'ala, وما خرجت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Pas pour travailler à la soi. Le travail, c'est juste une cause. Âme l'adoration, ça, c'est la raison pour laquelle on a été créé. Et parmi les plus grandes adorations, les plus importantes, la salat. Pour preuve, celui qui la délaisse devient mécréant. Donc la salat doit être faite en son temps. Et le travail n'est pas une excuse pour les regrouper ou les retarder. Les faire hors de son temps. ثم قال في السؤال الخامس والتسعين بعد سبعمية وبيتو السادس والتسعين بعد سبعمية 796e question متى يبدأ وقت صلاة الفجر ومتى ينتهي. Donc là on va résumer en fait de la 796e question jusqu'à la 800e question. Il demande à quel moment chaque salat débute son temps et finit. Donc en premier lieu, il part du fajr. Le fajr, il commence du lever du soleil, de l'aube, on va dire. C'est véridique, car on a dit qu'il y en a deux. Il y a celui qui est, qu'on appellerait le kazib, qui est le menteur, et le véridique. Donc dès que l'aube se lève, le temps du fajr commence. Et il finit quand? Lorsque le soleil se lève. À la levée du soleil, ce qu'on appelle le shuruq. Après, dans l'action d'après, c'est par rapport au salat dhor. Le dhor, c'est après le zénith, jusqu'à ce que l'ombre de la personne soit égale à sa taille. D'accord? Donc à ce moment-là, rentre le temps du Asr. D'accord? Le temps du Asr. Et le temps du Asr débute de ce moment-là jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le soleil se couche, qu'on appelle le Maghreb. Et le Maghreb débute au coucher du soleil jusqu'à la disparition du crépuscule, ce qui est cette lueur rouge que l'on voit dans les cieux. Et de là débute le Isha. Et le Isha commence de ce moment-là, à partir de la disparition du crépuscule, jusqu'à la moitié de la nuit, selon un avis. Certains disent que c'est jusqu'à toute la nuit, mais le hadith lui stipule que c'est à la moitié de la nuit. Comme cela vient dans le hadith de Abdullah ibn Amr, « Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'allait waqtu dhor zazalati shams wa kana dhillu rajul katawlihi » qu'il a dit que lorsque le temps du dhor, c'est après le zénith, et jusqu'à ce que l'ombre de l'homme devienne égale à sa taille. Tant que le temps du asr ne vient pas, « Malam yahdur al-asr » wa waqtu al-asr, « Malam tasaffar al-shams » et que le temps du asr, c'est tant que le soleil ne vient pas jaune. Car malgré les temps de salawat, il y a des temps qui sont détestables pour la salat. D'accord ? C'est-à-dire qu'un salat, celui qui l'a fait à ce moment-là, sans raison valable, elle lui est interdite. Mais cela ne veut pas dire que l'entrée de l'autre salat a débuté. D'accord ? A débuté. Donc, il dit, au moment où justement le asr, lorsque l'ombre de la personne devient égale à sa taille, jusqu'à ce que le soleil commence à jaunir. Là, c'est le temps pour permis pour faire la salat. Mais quant à son temps, on va dire, de validité pour celui qui ne peut l'accomplir qu'à ce moment-là, c'est jusqu'à ce que le soleil se couche. Après, il dit waqt al-maghrib malam yarib al-shafaq. Et il dit que le temps du maghrib, c'est tant que le crépuscule ne disparaît pas. Wa waqt salat al-isha, il est muntasif al-layl. Justement, ou la nuit al-layl al-awsat, que le temps du Isha c'est jusqu'à le milieu de la nuit. Et après il dit wa waqt salat as-subh min tulu' al-fajr ma lam tatlu' ash-shams. Et il dit donc le temps du sommet du fajr, c'est lorsque l'aube apparaît jusqu'à ce que tant que le soleil ne se lève pas. Fi tala'ati ash-shams fa amsik an as-salat fa inna tatlu'u bayna qurnay ash-shaytan. Et il dit par contre si jamais le soleil se lève, alors ne fais plus la salat car le soleil se lève entre les deux camps de Shaitan. Moi, c'est parmi les temps interdits de la salat. Au moment où le soleil se lève. Wa kada. Fa'adha lazi yoradna ma'kouza diyoum. Alhamdulillah. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha lantastaghfiruka wa atubu ilayk.